d'argent, de dignité, billets gagnants pour livrer passer la déprime. Tu connaîtras la misère, la souffrance et la peur, mais tu resteras le guerrier de ces enfants de cœur. Ils te puniront, te trahiront et te laisseront crever. Tu resteras le pion pour lequel tu es né. Tu te sentiras seul et rejeté de tous, à penser comme un con sur ton matelas en mousse. Te demander pourquoi, si cette vie restera, de se faire enculer sans même s'être baissé. Faut avoir envie de goûter à tout ça, de n'avoir que de rester comme ça. Quand je suis ce il faut se faire violence et penser en avance à l'évolution de l'homme et de toute sa démence. Et même si tous sont bêtes, tous n'ont pas la chance, il y aura des vedettes, restera cette vengeance. On prend le mic et on refait le monde. Je vagabonde dans ce monde et je flotte comme une sonde. À force de croire ou des rêves brisés, le monde sort égocentrique et le système est brisé. Celui-là même qui nous oppresse et nous opprime, bien d'argent, de dignité, billets gagnants pour l'ivresse et la déprime. Thank you. Thank you. Thank you. Yep, that's it. That's it, brother. Just like that. You're killing it. You're killing it. You're killing it. Thank you.